Donc le vert, au fond, ce que nous appelons le vert, c'est pour moi la forme certainement la plus nécessaire pour dire ce dont il s'agit. Peut-être que je pourrais vous lire justement un poème qui résumerait, qui résume l'enjeu. Ce poème est en vers et il a pour titre David Oller. Vous savez, David Oller étant ce peintre, ce dessinateur des chambres à gaz et des fours crématoires. Le titre de ce poème a pour titre précisément, qui est dans Chambre à roman fusible, ce poème en vers qui est dans Chambre à roman fusible, a pour titre David Oller. C'est un poème bref, vous voulez que je vous le lise? Le dessein d'emporter, de petits emportés par des intermédiaires majeurs, de grands emportés par des aussi grands. Le dessein des anciens petits et grands, dessein pleuré sans regret, puisqu'il n'y a pas de regret dans ce dessein de respiration ancienne et de cuisson future.